Lettre 36e, Sulpici à Calpurnie, Saint-Iom, près de Nicomédie, février 302. Agathoclès t'a-t-il parlé, cher Calpurnie, de la charmante campagne qu'il possède à quelque distance de Nicomédie? C'est là que je suis établi dans une solitude agréable. Elle calme l'agitation de mon âme, et j'y goûte un repos dont j'avais grand besoin après tant d'orages. Agathoclès vient nous voir aussi souvent que ses occupations le lui permettent, et Tiridate passe avec moi tous les moments qu'il peut dérober à la cour. Je suis libre, Calpurnie. Galérius a prononcé mon divorce. Il a fait parvenir ses ordres à ce sujet au Sénat de Rome et à Serranus Anicius. Tout a donc réussi, et j'attends à présent sans impatience le moment où aucun autre pouvoir que celui de la mort ne pourra m'arracher à mon Tiridate. Rien ne trouble plus la jouissance de mon parfait bonheur que le mauvais état de ma santé. C'est une suite bien naturelle des cruels chagrins que j'ai essuyés. Ils ont disparu, il est vrai. Le chagrin dévorant s'est éloigné pour jamais de Sulpici, mais j'en sens encore les effets. La saison trop avancée lors de mon voyage sur mer y a contribué aussi. J'arrivais très malade à Nicomédie, mais, ma chère Calpurnie, j'ai puisé dans mes mots une source de bonheur de plus, une nouvelle preuve de l'amour de Tiridate dans les soins tendres et soutenus qu'il m'a donnés. Quoiqu'il n'eût point confié son entreprise à Agathoclès, il était si sûr de son amitié qu'il me conduisit d'abord chez son ami. J'étais si affaibli par le mal qu'il fut obligé de me porter dans ses bras jusqu'à la chambre qu'Agathoclès me destina. Cet homme excellent se montre, comme toujours, le meilleur des hommes. Il ne fit aucun reproche sur ce qui était irréparable. Il le reçut avec joie, avec attendrissement, comme l'aurait fait un bon frère. Je l'ai trouvé extrêmement changé. Je reviendrai sur ce sujet. Laisse-moi te dire encore que je lui dois la plus grande partie de mon rétablissement, et que Tiridate, par ses attentions délicates, y a aussi beaucoup contribué. Il ne me reste plus qu'une grande faiblesse. Le bruit et la dissipation de la capitale me devint bientôt à charge. Agathoclès devina mes désirs et m'offrit sa villa de Saint-Iom, qu'il a héritée de sa mère, et seulement éloignée de quelques milles de Nicomédie. Je l'acceptai avec transport, mais ma joie fut un peu diminuée quand je vis que Tiridate ne quittait pas la ville avec autant de plaisir que moi. Cependant, il m'en fit volontiers le sacrifice pendant quelques jours. Il fut ensuite obligé de retourner auprès de l'empereur, mais il revient très souvent. Je mène ici la vie que j'ai toujours préférée, seul au milieu des beautés de la nature, et voyant arriver quelquefois des amis avec qui je puisse les admirer. Saint-Iom est situé dans un vallon écarté et solitaire, entouré de collines ombragées, derrière lesquelles s'élèvent graduellement des montagnes couronnées par le mont Olympe. Quoique la grande route ne passe pas loin de la maison, on l'aperçoit à peine, parce qu'elle est masquée par de grands massifs de pins. Les jardins sont vastes, mais tristes. Ils annoncent, dans celui qui les a créés, une disposition mélancolique. Le tout me plaît extrêmement, et j'attends dans cette solitude tranquille le retour du printemps. J'espère aussi celui de ma santé et de sa douce influence. Tiridate m'a présenté, avant de quitter Nicomédie, aux impératrices Prisca et Valérie. J'ai aussi parlé à César Galérius. Tous m'ont reçu avec grâce et bonté. Il ne m'a pas été possible encore d'obtenir une audience de Dioclétien. Il est entouré de tant de pompes et de cérémonies qu'il est très difficile de parvenir jusqu'à lui. César m'a promis sa protection, et il m'a tenu parole. De cette manière, mon avenir se présente sous un jour agréable. Je t'ai dit que j'avais trouvé Agathoclès changé. Tu sais sans doute, et sa perte cruelle, et le funeste événement qu'il a causé. Je l'appris en arrivant à Nicomédie, et je m'attendais donc à trouver des traces de sa douleur, mais elles sont bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Ses traits, qui n'ont jamais eu l'expression de la gaieté, sont à présent contractés par le chagrin. Son regard est éteint, et tout en lui annonce une affliction profonde et concentrée. Il évita de me parler de son malheur, et il n'a pas encore prononcé le nom de Larissa depuis que je suis ici. Il faut que ce soit le hasard qui amène cette conversation, et j'en tremble. Je voudrais, je te l'avoue, que puisque ton père est nommé proconsul, il hâta votre arrivée ici. J'espère que tu feras beaucoup de bien à notre ami. Cette plaie si profonde ne sera pas facile à guérir, mais j'attends beaucoup du temps, de ta gaieté de ton esprit, de ta beauté, de l'ascendant irrésistible que tu sais prendre quand tu le veux. Agathoclès serait-il le seul qui résista à son empire? Sans doute que la fermeté de son âme le distingue des autres hommes, mais pourtant il est homme, et j'ai remarqué qu'en général ce sexe se console bien plus vite de la perte d'un objet aimé et le remplace bien plus tôt que les femmes. Nicomédie te plaira. Il y règne un ton social. On y aime la magnificence et la dissipation, mais avec goût et décence. Les deux impératrices étant, à ce que chacun croit, de la secte des chrétiens, sont sévères dans leurs principes. Pour leur faire la cour, on sauve au moins les apparences. Mais il règne dans l'intérieur des maisons un luxe qui doit nécessairement altérer les mœurs. Aussi dit-on que les femmes, et de la cour et de la ville, se dédommagent en secret de la contrainte qui leur est imposée. Elles sont généralement belles. J'ai vu des figures dont les grâces, la parure, l'aimable gaieté m'ont rappelé ma Calpurnie. Je n'en ai pas été jalouse, tu ne m'en crois pas capable, mais elles m'ont fait éprouver un sentiment pénible en pensant à ma jeunesse déjà flétrie par le malheur. Je ne suis plus ce que j'étais. À peine pourrais-tu reconnaître ta Sulpicie. Et tout est ici si éblouissant, si séduisant. Écris-moi encore avant que tu quittes Rome, et tâche d'accélérer ton départ. Mon cœur bat de désir et d'impatience de te revoir.